franceinter.fr. Bonsoir. C'est un drôle de voyage dans le temps que je vous invite ce soir. Un voyage en zigzag avec des allers-retours, des loopings à donner le vertige et plein de pieds de nez à nos certitudes. Accrochez vos ceintures. À l'école, on nous apprend que la Seconde Guerre mondiale a succédé à la Première Guerre mondiale, que la Première elle-même a découlé de l'attentat en 14 contre l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Comme si tout cela répondait à une logique imparable. Mais alors, que se serait-il passé si Gavrilo Principe, l'assassin de l'archiduc, avait raté son coup? La grande boucherie de 14-18 aurait été évitée? Et avec elle, le fascisme et le communisme, tous les deux nés de la guerre? Quand on commence à jouer à ce petit jeu, grisant et parfois un peu potache, il faut bien le dire, on ne s'arrête plus. Que se serait-il passé si Ponce Pilate, au lieu de se laver les mains, avait gracié Jésus-Christ? Si Louis XVI n'avait pas été arrêté à Varennes? Même Blaise Pascal, dans ses célèbres pensées, s'est pris au jeu. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Pascal, lui, difficile de le traiter de potache. L'histoire ne serait-elle alors qu'une succession de rendez-vous manqués où le destin des humains se joue sur le tapis vert du hasard? Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Vous l'avez compris sans doute, c'est d'Uchronie que nous allons parler ce soir avec deux spécialistes du genre, Éric Henriet et Jean-Pierre Pecot. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors Jean-Pierre Pecot, vous êtes scénariste de BD, un spécialiste de l'Uchronie que nous allons définir dans un instant. Mais c'est vous donc qui avez écrit la fiction que je vais vous raconter dans quelques minutes. Ça s'appelle Le bel été de Monsieur Katz. Éric Henriet, vous êtes en apparence un monsieur très sérieux, docteur en chimie. Vous travaillez à l'université Paris Sud. Mais vous avez une passion secrète, mais enfin qui est plus très secrète, c'est l'Uchronie justement. Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce que c'est l'Uchronie? C'est un genre littéraire, c'est quoi? L'Uchronie, si on reprend la définition de celui qui a forgé le mot, c'est à savoir Renouvier, c'est l'histoire refaite logiquement telle qu'elle aurait pu être. Logiquement quand même. Voilà, donc, pour Renouvier, effectivement... C'est qui Renouvier? C'est un philosophe du 19e siècle. Sur la fin de sa vie, il avait renoué, mais il est passé par une période très anticléricale. Et à ce moment-là de sa vie, effectivement, il a écrit une Uchronie qui consistait à faire diverger l'histoire à l'époque de la période romaine, au moment de la succession de Marc Aurèle, en fait, où il imagine que là se font des philosophes avisés pour le pouvoir, et il enclenche un certain nombre de réformes, ce qui fait que l'Empire romain va perdurer, qu'une partie du Moyen-Âge va être effacée, et le point important pour Renouvier à ce moment-là, c'est effectivement aussi de rayer tout le catholicisme. Oui, je pense que c'était d'ailleurs le moteur de son texte à ce moment-là de sa vie. Et il va donc décrire ou essayer de refaire très logiquement, comme il le dit, l'histoire pas à pas sur 1000 ans, y compris en décrivant les arts, en décrivant des peintures uchroniques, souvent faites par des peintres qu'on connaît nous, mais dans un autre contexte. Pareil pour les sciences, voilà. C'est un texte aride, hein, dont je ne conseille pas la lecture, je dirais, à un jeune pour aborder l'Uchronie, mais c'est le processus de pensée qui est intéressant. Il y a un point de divergence. À un moment donné, l'histoire diverge telle qu'on nous la connaissons, et un enchaînement de succession de choses, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction, Sarajevo, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, est-ce tout cela est-il bien lié, amène Renouvier finalement à décrire un monde 1000 ans après, très décalé de celui que nous avons connu. Voilà. L'Uchronie, c'est quand même aussi des histoires qu'on raconte. Enfin, c'est un petit peu amusant, quoi. Il y a un truc rigolo quand même dans l'Uchronie. Ah oui, bien sûr. L'Uchronie, c'est un exercice intellectuel avant tout, puisque je dirais, l'Uchronie, moi qui fais de la chimie, c'est finalement le seul exercice à la paillasse que peut faire un historien. Le chimiste fait plusieurs exercices, il a des tubes à essai, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. L'historien lui travaille sur une matière qui d'apparence est déjà figée. Bon, je dis d'apparence, hein, puisque on a accès à des sources et on les interprète comme on peut. Et la seule manière qu'a l'historien éventuellement de faire comme le chimiste, c'est-à-dire de bouger des conditions et d'essayer d'imaginer ce qu'elle serait, c'est de procéder par un exercice intellectuel que l'on peut qualifier de vain comme Emmanuel Carrère, mais qui reste soit nostalgique, soit drôle. Emmanuel Carrère qui a écrit la préface de votre livre, L'Uchronie, donc un livre qui a été publié chez Klingsink. Mais vous, Éric Henriet, c'est quoi cette passion? C'est une passion qui est née dans l'enfance? C'est effectivement, tout se forge dans l'adolescence. Il se trouvait que dans l'adolescence, j'aimais lire des récits de science-fiction et j'avais lu une anthologie qui s'appelait Histoire de quatrième dimension, dans laquelle il y avait un texte surprenant qui était une nouvelle épistolaire. Comme j'adorais les liaisons dangereuses, j'adorais tout ce qui était épistolaire. Et cette nouvelle se situait dans un monde dans lequel, effectivement, Napoléon n'était pas devenu ce qu'il était. La France était restée un royaume. Il n'y avait pas eu la Révolution française. Un certain nombre de choses avaient divergé. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'un personnage de notre monde, à nous, de notre 1815 à nous, si ma mémoire est bonne, était transféré dans ce monde. Et évidemment, arrivé là-bas, il ne reconnaissait rien. Il parlait de Napoléon, il parlait de différentes batailles. On le prenait pour un fou, on l'internait. Et tout ce qu'on lisait, c'était les lettres des rapports de police. Puis ça montait jusqu'au préfet, parce qu'en plus, cet homme était de mémoire un Anglais. Il avait des sceaux royaux, et ça veut dire quelque chose. Donc, au bout de la nouvelle, on finit par rejoindre Londres, qui authentifie les sceaux, mais qui dit, on a quand même un problème avec notre envoyé, c'est que il n'est pas supposé être là, il est supposé être dans une nouvelle colonie, mais on est très embêté aussi parce que le sceau royal est authentique, mais il est signé d'un certain Lord Wellington, et il n'y a jamais eu de Lord Wellington chez nous. Et celui qui signait la lettre à la fin s'appelait Wellesley, et il se trouve que moi, à 15 ans, je ne savais pas qui était Wellesley, mais bien évidemment, l'auteur et le traducteur avaient eu le bon goût de nous dire que Wellesley avait été anobli en Lord Wellington dans notre univers. Donc j'avais trouvé ça très fin, et je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que ce genre? Et voilà, c'est parti de là. Jean-Pierre Pecaud, vous êtes scénariste de BD, qu'est-ce que c'est que cette passion pour l'Uchronie? Ça vient de mon goût pour l'histoire, ça vient de ma formation d'historien aussi, je pense. On a effectivement tendance à croire que l'histoire, c'est une espèce de fleuve figé qui a un début, un milieu, une fin et que tout est écrit à l'avance. Bon, c'est tout est logique. Bien évidemment, ouais. Totalement faux. Et c'est vrai que l'Uchronie est le seul exercice qui permet effectivement de comprendre ça et de le changer. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en août 1940 à Biarritz. C'est l'été, il fait beau, le soleil brille, la mer brille. Un temps merveilleux pour partir en vacances. Mais quand même, il se passe quelque chose de bizarre dans cette histoire. C'est l'été 40. Vous pouvez nous rappeler ce qu'était la France pendant l'été 40 pour de vrai, Éric Henriet? Pour de vrai, elle était au plus bas, puisque je dirais les Allemands l'ont enfoncée en mai-juin et elle a capitulé. D'ailleurs, comme elle n'avait pas capitulé depuis très longtemps. On venait de sortir également d'une année entre 39 et 40 qu'on appelait la drôle de guerre, où finalement on se préparait à une attaque et il se passait rien, si ce n'est en Norvège, enfin dans le Nord, puisque les Allemands, eux, avaient quand même commencé leurs opérations. Août 40, je ne sais pas si les gens avaient cœur à aller à la plage à août 40, même à Biarritz. Je ne pense pas qu'on pouvait y aller à la plage déjà, parce que les plages étaient interdites. Et Biarritz aussi était en zone occupée. Occupée, oui. Absolument, voilà, la zone occupée allait jusqu'à la frontière de l'Espagne par une langue sud-ouest, on va dire. Et puis la zone dite libre était sur le tiers sud-est, on va dire, sud-centre-est. Voilà, donc effectivement, la France est dans cette situation en août 40, donc. Oui, et puis donc c'est Pétain qui a pris le pouvoir. Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale. Donc pour les Français, Pétain, à cet instant-là, il n'a pas encore forcément installé un certain nombre de lois, mais c'est une figure, c'est la figure capable de négocier la non-capitulation complète de la France. Voilà. Donc, et c'est la mise en place effectivement du gouvernement. Un régime autoritaire est en train de se mettre en place. Progressivement, oui, puis un régime qui va bien collaborer. Voilà. En octobre, Pétain dictera les premières lois anti-juives et signera avec Hitler un accord de collaboration. Mais l'histoire donc que je vais vous raconter dans un instant ne dit pas du tout la même chose. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour reprendre la discussion donc avec vous, Éric Henriet et Jean-Pierre Pecaud. Tout de suite, Le bel été de Monsieur Katz, une fiction écrite spécialement pour Autant en emporte l'histoire par Jean-Pierre Pecaud et réalisée par Christophe Auquet. Les élections de mai 40 ont porté le Front populaire au pouvoir pour la seconde fois de sa courte histoire. Et Léon Blum a été appelé à la présidence du Conseil pour former un gouvernement de centre-gauche, les communistes refusant d'y participer. 22 ans que l'Europe est en paix. 22 ans sont passés depuis la grande boucherie de 14-18. Et malgré la grande crise de 29, les scandales et la révolution allemande, le monde a eu la sagesse de ne pas replonger dans l'enfer de la guerre. La guerre, M. Katz y a pris sa part. 3 ans sur le front, et comme beaucoup, il en est marqué à jamais. À cette époque, M. Katz avait regardé le mal en face, mais il refuse de s'en souvenir. Depuis 1936, la France s'arrête de travailler durant la première quinzaine du mois d'août pour partir en vacances. Les congés payés, Biarritz s'est habitué à les accueillir. Ces nouveaux vacanciers, M. Katz les voit passer pour aller à la mer du haut des fenêtres de sa villa. Des familles heureuses qui descendent à la plage en longeant les murs du jardin. On pourrait dire qu'on a eu un bel été. N'est-ce pas, Monique? Un temps parfait. Biarritz n'a jamais été aussi paradisiaque, mon cher. Tu nous quittes quand, Armand? À la fin de la semaine. Mon journal m'envoie à Berlin pour interviewer le chancelier Otto Wels. Les sociaux-démocrates allemands ont plutôt le vent en poupe, non? 30% aux dernières élections. De quoi voir venir l'année 41 sereinement. Il faut lui reconnaître un certain talent. Sans lui, Dieu sait comment la révolution nationale allemande aurait pu tourner. Et toi, Antoine, tu rentres quand à Paris? Fin de semaine aussi. L'usine a rouvert le 15. Tiens, vous avez vu que le maréchal Pétain a refusé d'être nommé ambassadeur de France oui, en Espagne? Oui, j'ai lu, incroyable. Ils ont donné les raisons? Oh, Pétain évoque des problèmes de santé. De l'allergie. À quoi? Aux républicains. C'est étrange, le maréchal est toujours passé pour un bon républicain. En parlant d'Espagne, vous pensez que la guerre civile va bientôt se terminer? Sans aucun doute. Franco est fini, ce sont les informations qu'on a reçues au journal. Dans 3 mois tout au plus, il sera jugé pour haute trahison. Vous verrez. Ah, on peut dire merci aux brigades internationales. On peut surtout nous dire merci. Si les démocraties n'avaient pas livré massivement des armes aux brigades, je ne pense pas que la République espagnole s'en serait sortie toute seule. Tiens, tu as vu, il semble bien que ton ami Trotsky soit indestructible. Il a encore échappé à un attentat au Mexique. Ce n'est pas mon ami, mais il faut reconnaître que sa critique de Staline est pertinente. Tu ne penses pas? Oh, pour moi, tu sais, c'est bonnet rouge et rouge bonnet. Mais tu peux pas dire ça, enfin. Mais bien sûr que si, je le peux. J'ai lu Retour du RSS de Gide, figure-toi. Qu'est-ce que tu veux rajouter après ça? C'est justement ce que je te dis. Oh, pitié! Arrêtez avec votre politique. Vous êtes en train de gâcher nos derniers jours de soleil. Bon, Monique a raison. Quelqu'un m'accompagne au tennis? Je viens. Antoine, tu nous accompagnes? Non, merci. Je pense que je vais faire une petite sieste. Alors, bonne sieste, mon chéri. Et ne t'expose pas trop au soleil. Monsieur Katz s'est endormi. 13 octobre 1918, à proximité d'Ypres, du côté des lignes françaises, c'est la nuit. En face, le régiment Liste, des Bavarois, eux aussi profondément retranchés. Un commando français s'apprête à franchir les parapets de protection pour effectuer un raid dans les tranchées allemandes et y récupérer des informations. Ils ont peur. 3 attaques ont déjà coûté 40% des hommes. Dans un mois, ce sera l'armistice. Mais bien sûr, personne ne le sait. La guerre semble devoir durer jusqu'à la fin des temps, et peut-être aucun d'entre eux n'en reviendra. Capitaine Katz, voici vos ordres. Je peux choisir mes hommes? Allez-y, Antoine. Vous avez carte blanche. Lieutenant Georges Mohamed Awash, rassemblez les gars, on a de la besogne. Bien, capitaine. Armand, tu vois la crête derrière les lignes Bosch? Difficile de pas la voir. Elle nous a déjà coûté 50 hommes. Cette nuit, on va la poivrer au gaz moutarde. On se glissera juste après avec une patrouille. L'état-major veut savoir ce que nous mitonnent les Fridolins. On nettoie leurs tranchées, c'est ça? Ils devraient tous être morts là-haut. On récupère tous les documents et on revient avant la contre-offensive. Allez, départ à 3h. La patrouille se met à ramper dans la boue en direction de la crête. Awash et ses hommes, le lieutenant indigène et sa bande de peau rouge, des durs qui n'ont pas peur de descendre dans les tranchées allemandes pour y faire le ménage. Capitaine, ça vient de chez nous. Exact, Mohamed. Pour une fois, ils sont à l'heure. En avant, allez. Mais moins de bruit, bon sang! Est-ce qu'ils prennent, il y a peu de chances qu'ils montent leur museau, caporal. Capitaine! C'est quoi ça? Sur la gauche! Awash est le premier à voir le nuage jaune qui roule en descendant la pente, droit vers eux sous la lune. Le vent a tourné. Vos masques ! L'hypérite va les engloutir. Magnifoltra, mettez vos masques ! Ils avancent jusqu'au barbelé. Leurs masques plaqués sur leur visage les empêchent de voir plus loin que leurs mains. L'hypérite les engloutit dans un nuage safran. L'odeur d'œuf pourri s'infiltre jusque dans les cartouches de protection des masques. Au bout d'une heure, ils arrivent enfin devant le réseau de barbelés allemands. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, bon sang ? Ce sont les Anglais ! Ils éclatent pour leur assaut ! On n'a pas été mis au courant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des chars ! Maudite boîte de conserve, ils vont nous faire repérer ! C'est des tonnades ! Écoutez ! Les trahis allemandes sont nettes ! Pourrions nous passer alors ? Avec un peu de chance, ils vont se concentrer sur les Anglais. Allez ! Vite, grouillez-vous. Vite, grouillez-vous. Antoine, grouillez-vous. Antoine, que se passe-t-il? Hein? C'est hein? Toi qui as crié? Tout va bien? Je sais pas, oui. Ne t'en fais pas, ma chérie, j'ai dû faire un mauvais rêve. Et tu veux dire que tu as de nouveau rêvé de la guerre? Non, c'était juste un mauvais rêve, je te jure. J'ai dû manger quelque chose à midi, ça n'a aucun... Oh, tu es blanc comme un linge. Oui, bah, écoute, je vais aller marcher un peu. Ça ira mieux dans une heure ou deux. Ne vous en faites pas pour moi, tous les deux. Ça recommence, hein? Mais non. Enfin, pourquoi tu dis ça? Tu l'as entendu, c'est juste une mauvaise digestion. Ouais, peut-être, mais je te le souhaite, Monique. Hein. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Antoine! Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rêvé de la guerre depuis 20 ans. Antoine! Alors, mon vieux, ça a mieux? Oh oui, c'est passé, je te l'avais dit, un truc que j'ai mangé, c'est tout. Alors, ce tennis? Bah, Monique m'a battu à plate couture. Et c'est toi qui parlais du sexe faible. Tu verras qu'un jour, on aura des madames les députées. C'est vrai, c'est ce qu'a promis Blum. Après le vote des femmes en mai, l'ouverture de l'Assemblée au beau sexe. Eh ben, si tu veux mon avis, ça va être beau. Pourquoi pas? C'est comme ça en Angleterre, en Allemagne, jusqu'en République espagnole. Mon journal travaille avec des correspondantes de presse qui sont tout aussi compétentes que leurs équivalents masculins. Le monde change, mon vieux. C'est vrai qu'il change. Je sais pas si c'est en mieux, mais en tout cas, nous sommes en paix depuis 1918 et c'est l'essentiel. Tu te rends compte? Depuis 1918. On avait bien raison de dire que c'était la dernière guerre. Hein. On en a payé le prix, pas vrai? C'est exact. Le prix du sang. La tranchée. La mission. Tout me revient. Il faut que je vérifie dans ma chambre. Ouais. Il doit bien me rester un flacon d'opium, une solution de laudanum. Docteur Blanche m'avait conseillé d'en prendre le soir, en cas d'angoisse. Il fait tellement beau ce soir, quelle splendeur ce paysage. Pourquoi ne resterais-tu pas une semaine de plus à Biarritz? Et tu rentrerais seul à Paris? Ma foi, avec la reprise économique, je vais avoir du travail par-dessus la tête. Alors que moi, pauvre petite femme, je vais me morfondre en t'attendant. Eh bien, c'est-à-dire que... Eh bien, figure-toi, mon cher, que je dois également rentrer à Paris. J'y ai des rendez-vous importants. Avec ta modiste? Avec le député Chalier. Chalier? Qu'est-ce qu'il te veut, Chalier? Me céder sa place. Quoi? Il va y avoir des élections partielles dans sa circonscription. Chalier se retire, il cherche un remplaçant. Une remplaçante, plutôt. La SFIO a décidé de mettre en pratique l'égalité entre les sexes. Oui, et j'espère que personne à cette table n'y trouve à redire. Mais enfin, Monique, tu n'as pas la moindre expérience de la politique. Justement, Chalier sera mon mentor. Je ne crois pas que... Que ça soit une bonne idée. Oui, c'est ça. Mais mon chéri, j'ai bien peur de ne pas te laisser le choix. Armand, si tu pouvais effacer ce sourire goguenard de ta vilaine trogne, ça me rendrait service. On ne tire pas sur le pianiste, Antoine. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai essayé de te prévenir. Parce que tu étais au courant. Chalier m'en avait parlé. Il faut te faire une raison, le monde change. Ah ouais, il change trop vite, à mon goût. Tu verras, mon chéri, tu t'y feras très bien. Je n'en suis pas si sûr. Que vous votiez, passe encore. Mais des femmes aux affaires, pourquoi pas des ministres? C'est le plan. Oh, Seigneur. Pardonnez-nous, nous ne savons pas ce que nous faisons. Suffit, monsieur Katz. Plus un mot, vous irez dormir ce soir sur le canapé. Armand. Mais je n'ai rien dit, Antoine. C'est bon. Mohamed a coupé les barbelés, on peut y aller. Le nuage se dissipe. Retiens les masques! Bien sûr, capitaine! Le meilleur moyen de le savoir... Plus encore l'œuf pourri. Mais on n'a pas le choix. Allez, suivez-moi. On ne voit pas à 2 mètres avec ces saloperies sur le nez. Attention! Un nid de mitrailleuse, sur la gauche. Je vais voir, bougez pas. Ils sont tous morts là-dedans. Des Bavarois, d'après leur uniforme. Ça correspond à ce que pensait l'état-major. Bon, il faut trouver leurs officiers. Armand, tu vois quelque chose? La tranchée se divise en deux. Prends celle de gauche. Mohamed, avec moi à droite. Jules, tu suis ton officier. Rendez-vous dans 10 minutes au même point. En cas de baston, lancez une grenade. On rapplique illico. Bonne chance. Rafflez tous les documents que vous pourrez trouver. Y compris les photos cochonnes. Sur des Bavarois, ils te paieront pas, Armand. Regarde ça, capitaine. Ils n'ont même pas eu le temps de mettre leur masque. Les pauvres bougons. Moi, je les plains pas, Mohamed. Au moins, eux, ils en ont terminé avec cette folie. Moi, je préfère terminer vivant, mon capitaine. Je vais me marier quand la guerre sera finie. Qui dit qu'elle se terminera un jour, hein? Allez, passe devant. Tâche de trouver des escaliers. Ils doivent avoir creusé un abri avancé pour leur QG. Mon capitaine, tu sens? Oh, merde, les gaz. Viens remettre ça. Ou bien le vent a tourné. Ton masque, vite. J'espère carrément... Mon capitaine, viens voir. Mohamed. T'es où, Mohamed? Capitaine. Capitaine, à l'aide. Mohamed. Ils sont encore vivants. Mohamed. C'est là qu'Antoine les voit remonter du fond de la tranchée. Ils sont encore vivants. Trois ou quatre spectres couverts de boue, hurlant de douleur et de rage, les yeux sanguinolents. Ils n'ont pas de masque, mais ils marchent quand même dans la brume jaune, en brandissant leurs armes devant eux comme des fantômes. Du calme. C'était qu'un cauchemar. Ça va passer. Il faut que je me calme. Armand? Tu ne dors pas? Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Je travaille sur mon roman. Bon, bien sûr, c'est juste une pochade, une idée en l'air. Je sais même pas si je trouverai un éditeur. Bon, maintenant à toi. Tu te décides à me dire ce que tu fais dans la cuisine à 3h du matin? C'est revenu. Tes cauchemars? Ouais. Ça fait deux fois. Cet après-midi durant la sieste et cette nuit, malgré la solution de l'odanum. Toujours la même chose? Toujours. Ma dernière mission. Notre dernière mission. Si tu m'avais pas ramené sur ton dos... Toute la section y est passée. On a eu de la chance, vieux. Tu te souviens toujours pas de ce qui s'est passé? On en a parlé 100 fois, Antoine. Lorsque les gaz nous sont tombés dessus, on a été séparés. J'ai pris à gauche et toi le boyau de droite avec Mohamed. Le temps que je revienne sur mes pas, je t'ai trouvé à moitié mort à l'entrée de la tranchée. Les poumons bouffés par l'hypérite. Je me souviens pas de ce que j'ai fait dans la tranchée. Je me souviens de rien, sauf que c'était terrible. Le Toubib t'avait dit à l'époque que c'était normal. Que ce genre de truc arrivait souvent. Alors pourquoi j'y retourne en rêve? Pourquoi j'ai l'impression que je dois absolument y retourner? J'en sais rien, mon vieux. Ça me terrifie, Armand. Ça m'épouvante. Armand, qu'est-ce que tu fais ici? On travaille de journaliste, ma chère Monique. Je ne voulais pas manquer ton premier discours de campagne. Alors, comment je m'en suis tirée? Très bien, on aurait dit le taureau du Vaucluse. Tu es en train de me comparer à une vache? À Daladier. Je me demande si c'est mieux. C'est un excellent orateur, c'est ce que je voulais dire. Vous en sortez bien, cher Plumitif. En parlant de s'en sortir, comment va Antoine? Antoine, je sais pas trop. Et j'avoue que la campagne m'accapare tellement. Je te raccompagne? Est-ce que tu rêves, toi, Armand? À quoi? À toi? Oui, sans doute, tout le monde rêve. Non. Je voulais parler de la guerre. La guerre? Eh bien, non. Je n'ai jamais fait ce genre de rêve. Alors pourquoi Antoine en fait-il? Je ne sais pas. Nous sommes passés par les mêmes champs de bataille, tu le sais bien. Nous avons vécu la même chose, sauf... Sauf? Cette dernière mission à Ypres. Dans la tranchée des Bavarois. C'est de cette mission qu'il rêve encore et encore, toujours la même. Oui. Il m'a dit un soir qu'il y avait rencontré le mal. Qui avait-il dans cette tranchée? Rien d'autre que de pauvres diables qui se tordaient de douleur sous l'action du gaz moutarde. Au fait, Monique, je voulais te dire, tu te souviens de notre première rencontre? Comme si c'était hier. C'est grâce à toi que j'ai connu Antoine. Ouais. Et ce n'est pas forcément la chose la plus intelligente que j'ai faite. Tu veux dire? En d'autres temps et dans un autre lieu, tu aurais pu... Ne pas emmener Antoine à cette foutue soirée. N'importe comment, il ne voulait pas venir. Et alors, que se serait-il passé? Difficile à dire. Vous étiez tous les deux très beaux. On ne réécrit pas l'histoire, n'est-ce pas? Et on ne se baigne jamais deux fois dans l'eau du même fleuve, mon cher Armand. Bonne nuit. Oui, allô? Oui, Gaspard. Pourquoi vous me téléphonez à une heure pareille? Hein? Je ne suis pas venu à l'usine depuis une semaine. Figurez-vous que je suis un peu au courant, Gaspard. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est mon usine. Non, je ne suis pas malade. Et je n'ai pas à vous donner d'autres explications. Des papiers à signer? Ils attendront. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous mettre en grève. Le gouvernement vous applaudira. Vous m'emmerdez, Gaspard! Faites comme vous voulez. T'es déjà rentré? Non, c'est l'inverse qu'il faudrait dire. Il faudrait dire « Bonsoir, Monique. C'est à cette heure-ci que tu rentres ?» Je t'avais prévenu, j'avais une réunion à la mairie. Ah oui, ton élection. Oui, mon élection. Le premier tour est dans quelques jours. Et tu as toutes tes chances, je sais ça aussi. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ma femme découche un soir sur deux, voilà ce qui se passe. Il est 10h du soir. Mais c'est vrai que dans ton état, tu ne fais plus bien la distinction entre le jour et la nuit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça fait des semaines que tu ne dors plus, tu te bourres de l'odanum et tu fais les 100 pas dans ta chambre. T'es à bout, t'es en train de craquer. C'est justement pour ça que j'ai besoin de ma femme auprès de moi. Mais je suis auprès de toi, je suis là. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Que je reste à t'attendre toute la journée et que je veille sur toi toute la nuit comme une bonne mère de famille, c'est ça que tu veux? Ce n'est pas une insulte, que je sache. Ce n'est pas non plus un compliment, je veux avoir ma vie. Je ne resterai jamais enfermé entre quatre murs. Ce temps-là est terminé. Tu ne comprends pas, hein? Personne ne peut comprendre. Comprendre quoi? La nuit, mes rêves, la tranchée. C'est pour toi que j'ai traversé tout ça. Et voilà comment tu me remercies. Tu me reproches de ne pas être le repos du guerrier? Mais la guerre est finie, Antoine. Elle est finie depuis 20 ans et elle ne reviendra jamais plus. Nous sommes en paix. Toute l'Europe est en paix. Et tes cauchemars sont en train de te tuer. En cette fin d'été 1940, Paris ne parle plus que du pacte de non-agression que la France signe avec l'URSS. Dans le Pacifique, le Japon continue d'avancer en Chine et les États-Unis l'ont plusieurs fois mis en garde. Tout le milieu politique se demande si nous ne sommes pas de nouveau au bord de la guerre. L'état de M. Katz ne s'améliore pas, bien au contraire. Il ne se passe pas une nuit sans qu'il ne soit victime d'un de ces terribles cauchemars, revivant toujours la même scène qui s'arrête au bord de la tranchée face aux fantômes jaunes des Allemands rendus fous par le gaz. Armand a fini par le convaincre d'aller consulter un spécialiste des maladies mentales, un disciple du docteur Freud. Freud, qui dit-on, fait des miracles à Vienne. Prêt pour la consultation, mon cher Antoine? Si on veut. Je suis pas vraiment convaincu que m'allonger sur un divan va me permettre de retrouver le sommeil, mais bon. Bah, ça coûte rien d'essayer. On a dit le plus grand bien du docteur Lacan, tu verras. Personne n'a été capable de me dire ce dont je souffrais. Alors si ton Lacan le sait, je suis prêt à l'entendre. Si vous voulez bien entrer et vous installer, monsieur Chat. Pardon? Katz, ça veut dire chat, non? Absolument pas, c'est polonais. En allemand, chat se dit Katz, pas Katz. Ah bon? Excusez-moi. Alors vous êtes allemand? Non, je suis français, docteur, mais j'ai des origines polonaises. Juif? Oui, pourquoi? Cela vous pose-t-il un problème? Ah non, non, les problèmes, c'est vous qui les avez, pas moi. C'est pour ça que je suis ici, docteur. À cause de vos gazes? À cause de la guerre. Oui, j'ai été gazé à l'hypérite, mais je ne vois pas bien le rapport. Je suis guéri depuis des années. Mon cher monsieur, les gaz de combat ont fait 900 000 victimes et 1,5 million de blessés. Il est donc normal que vous soyez affecté par cette horreur. Les gaz de combat sont une arme abominable, terrifiante. Votre cerveau s'en souvient et réagit en conséquence. Je ne vois là rien d'extraordinaire. Mon problème, docteur, c'est que je ne dors plus. Je fais des cauchemars effroyables. Il faut que vous alliez au bout de votre rêve afin que votre inconscient soit délivré de ce poids. Mais mon rêve s'arrête toujours à l'entrée de la tranchée, comme si j'allais y découvrir quelque chose d'atroce, le mal absolu. C'est sans doute le cas. Mais vous devez l'affronter. Très bien. Mais comment doit-on s'y prendre? Il existe un traitement? Je suppose que les somnifères font de moins en moins effet. Désormais, j'envisage de vider le flacon en entier chaque soir. Je ne vous le conseille pas. Votre inconscient sera toujours plus fort que la drogue. Ça peut marcher, quelques semaines, quelques mois. Mais le problème ressurgira un jour ou l'autre, et entre-temps, vous serez devenu toxicomane. Alors que me conseillez-vous, bon Dieu ? L'hypnose ! Nous pouvons essayer de vous faire remonter jusqu'à cette fameuse nuit et voir ce qu'il y a au bout. C'est un voyage au bout de la nuit. L'hypnose ? Comme un musical. Vous plaisantez ? C'est une technique qui a déjà fait ses preuves. Vous voulez essayer ? Après tout, qu'est-ce que je risque ? Je vous ai déjà payé la séance et si vous me faites aboyer, il n'y a pas de public. Alors ? Pour faire aboyer mes patients, je prends plus cher. Alors, allongez-vous et fixez cette montre. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous vous retrouverez à l'entrée de la tranchée. Vous êtes prêts ? Oui. Hans, zwei, drei, Kapitän, schließe, Kapitän. T'es où, mon vieux ? Tu vois rien ? C'est à gauche, Kapitän. Il est trop moche. Je les ai. Et ils m'ont eu aussi. Putain, mon mec, j'arrive. Kapitän. C'est vous ? Oui, c'est moi. Je te tiens, Mohamed. Ça va aller. Allez, là. Mon sale bras mousse à des vaches. C'est comment ? Une petite coupure, tu vas t'en sortir. Non, mais c'est pas l'effet que ça fait. Quand je sommeille, mon capitaine. Tellement sommeil. Il faudra que t'écrives à ma famille au bled. Tu me le promets ? T'écriras tout ça tout seul, Mohamed. Je suis pas ta secrétaire, hein. Allez, viens. Souffle, capitaine. Quoi ? Il y a des documents par là. Ça doit être la corbise de leurs officiers. Oui, je les vois. Te dis pas, je les prends. Qu'est-ce que c'est ? Les plans de leur feu sur la colline. Bonne prise, Mohamed. Ça te vaudra la croix de guerre. Je l'ai déjà, celle-là. C'est vrai, j'ai oublié. Tu ne crois pas eu depuis un bon bout de temps. Depuis 14, mon capitaine. Oh merde ! Il manquait plus que ça ! Ton masque, capitaine ! Le verre est cassé ! C'est pas grave. Le gaz s'est évaporé. Allez, soldat. Serre les dents et accroche-toi. Oh, on y va ! On monte le boyau et on fout le camp d'ici. J'ai mis tous les papiers dans ma musette. Petite chose à ferme là, Mohamed, économise ton souffle. Sang, qu'est-ce qu'il fout, hein ? Allez, viens, on va s'en sortir. On n'y voit pas 5 mètres. Capitaine ! Hein ? Y'a quelqu'un devant nous, ce... Oh ! Non ! Non ! Ouais. Non ! Non ! Ouais. Non ! Hans ? Antoine, on avait rendez-vous ? Non, mais je suis passé par hasard, comme ça. T'as le temps de déjeuner ? Bah oui, bien sûr, attends que je prenne ma veste. Dis-toi, mon vieux, t'as une mine épouvantable. Oui, je sais. Bon, et ton bouquin, il avance ? Tu parles. Aucun éditeur ne veut le prendre. Ils disent tous que c'est idiot, que je ferais mieux de tenter ma chance avec un feuilleton. Ah, j'ai vu Kessel l'autre soir. Je lui ai fait lire, il m'a offert un coup à boire et on s'est saoulé une partie de la nuit. Avant qu'il ne m'avoue qu'il trouvait ça complètement farfelu. Ah, je laisse tomber. Mais Kessel, il part pour la Chine, non ? Ouais. Il m'a d'ailleurs proposé de l'accompagner. Et tu vas le faire ? Oh, je ne sais pas. C'est sûr que c'est là-bas que ça se passe. Les Japonais jouent avec le feu. Les USA n'accepteront jamais qu'ils mettent la main sur l'Empire du Milieu. Le Mikado cherchera toujours à contrôler ses importations en pétrole. Ils se sont fait démolir par les Russes en Mandchourie. La seule option qui leur reste, c'est la Chine du Sud. T'as raison. On est beaucoup à penser que la prochaine guerre mondiale pourrait bien démarrer sur le fleuve jaune. En parlant de guerre, j'ai revu ton Toubib il y a 3 jours. Le docteur Lacan. Il m'a encore hypnotisé. Et alors ? Bah, pas terrible. Lacan dit que le souvenir est trop fort, il brise la transe. Enfin bon, je remarque, j'étais jamais remonté aussi loin dans mes souvenirs. Jusqu'à me retrouver avec le lieutenant Mohamed Awash. Tu te souviens de lui ? Tu parles. Donc tu sais ce qui lui est arrivé ? Il a été blessé au niveau de la cambuse des officiers Bosch. Je savais pas. Pardon ? Ce qui était devenu Mohamed, je savais pas. Lorsque je t'ai retrouvé dans la tranchée, tu étais tout seul, sans Mohamed. Tu n'en as jamais parlé. Et donc, l'ombre qui s'est avancée vers nous, c'était pas toi ? Non. T'étais tout seul et presque totalement inconscient, tu... Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. Tu sais quelque chose ? Tu m'as dit que tu avais cassé ton masque dans la cambuse des officiers. Oui, alors ? Lorsque je t'ai récupéré, tu avais le masque de Mohamed. Eh ben, Qu'est-ce que ça veut dire? Il était couvert de sang, et ce n'était pas le tien. Tu n'étais pas blessé, juste gazé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux rien dire du tout, mon vieux. Reprends-toi. J'essaie seulement de comprendre ce qui se passe. Pourquoi tu restes bloqué sur cette maudite mission? Tu veux dire que j'ai tué Mohamed, hein? Vas-y, aie au moins le courage de me dire ça en face. Antoine, calme-toi. J'aurais tué Mohamed pour lui prendre son masque, hein? C'est ça? Mais non, mais enfin, j'ai jamais dit ça. T'es bien comme ma femme, hein? Tu comprends rien. Antoine... Vous m'accusez sans rien comprendre. Inutile de m'appeler ou de chercher à me revoir, Armand. Cette fois, t'as dépassé les bornes. L'automne a succédé à l'été. Madame Katz est désormais députée, la quatrième femme à siéger dans l'hémicycle. La crise du Pacifique a atteint son apogée. Roosevelt a décidé d'imposer un blocus total sur les importations d'hydrocarbures à destination du Japon. Tokyo a répliqué en faisant sortir sa flotte. La Navy et la Marine nationale ont envoyé leurs cuirassés au large de la mer de Chine, bloquant ainsi la progression japonaise. Alors, comment va-t-il? Intoxication au laudanum, les médecins pensent qu'il est sorti d'affaire. Monique, je te présente le docteur Lacan. Je lui ai demandé de venir. Bonjour madame, votre époux est venu me trouver à propos de ses cauchemars. Nous avions commencé un traitement, mais il y a mis fin sans explication. Oui, il m'en a parlé, l'hypnose. Et il m'a assuré que ça ne fonctionnait pas sur lui. Ce n'est pas tout à fait exact. Le souvenir qu'il refoule est tellement puissant, tellement terrifiant que son subconscient sort de la transe hypnotique. Mais son état présent est peut-être une chance, après tout. Expliquez-vous. Le laudanum va faire baisser ses défenses psychiques. Lorsqu'il se réveillera, j'aimerais tenter de l'hypnotiser à nouveau. Monique, nous avons besoin de ton autorisation. Qu'est-ce qu'il risque? Ce n'est pas sans danger, je ne vous le cacherai pas. Mais nous n'aurons pas de meilleure chance. Alors allons-y, docteur. Regardez cette montre, monsieur Katz. Vous allez vous endormir profondément et revenir à Ypres. Vous avez déjà fait le chemin. Cette fois, nous allons aller jusqu'au bout de votre rêve. Attention, concentrez-vous sur cette montre. Vous allez dormir et tout va bien se passer. Vous allez me raconter tout ce que vous voyez. À trois. Eins. Zwei. Drei. Non! Attention, capitaine! Je repasse! Caporal. Du régiment des Bavarois, aveuglé par les gaz, se rue sur nous, baïonnette au canon. Mohamed se dégage de mon étreinte pour essayer de parer le coup. Mohamed, tu m'attends? Trop tard. C'est pour moi, Mohamed. Je lutte comme un beau diable pour empêcher ce spectre dément de me planter à son tour sa lame dans la gorge. Revolver. Il faut que je sorte mon revolver. Deux balles à bout portant. Il est projeté en arrière. Il s'écroule contre le muret de la tranchée. Mohamed est mort. Je prends ses papiers. Et je m'éloigne de cet enfer. En passant par-dessus le corps du caporal Mange, je remarque sa vareuse ouverte. Je vois ses papiers militaires. Instinctivement, je regarde le nom. Deuxième régiment d'infanterie de l'armée bavaroise. Régiment List. Alors, docteur? Il est sorti de sa transe. Il dort. Vous pensez que votre intervention a réussi? Il a été jusqu'au bout de son rêve. Je crois que nous pouvons dire qu'il est guéri. Mais que s'est-il passé? Qui avait-il dans la tranchée? Un caporal allemand avec qui il a dû se battre au corps à corps. Je pense que la perte de son ami, le lieutenant Awash, les gaz, toute cette horreur combinée, cette dernière mission était de trop. C'est étrange, mais il a répété plusieurs fois le nom du soldat allemand qu'il avait dû tuer. Il avait vu ses papiers. Caporal Hitler Adolf. Ça vous dit quelque chose? Absolument rien. Je m'en doutais. Ça n'a d'ailleurs pas d'importance. Dans le Pacifique, la flotte japonaise a été interceptée par l'escadre franco-anglaise et réduite à néant. Le Japon accepte les conditions américaines sur le retrait de ses troupes de Chine. Le monde respire. La menace d'une seconde guerre mondiale s'éloigne. 1941 sera encore une année de paix. I'd like to see you looking swell, B-A-B-Y, baby. Diamond bracelets will work, doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love. Le bel été de Monsieur Katz, de Jean-Pierre Pecaud, avec Émilie Blond-Metzinger, Monique Katz, Jean-Robert Lombard, Antoine Katz, Olivier Martineau, Armand, Slimane Yevza, le lieutenant Mohamed Aouache, Olivier Broche, docteur Jacques Lacan, et les voix de Thomas Gourdi, Raphaël Goldman, Mathias Simon et Vincent Bramoulet. Prise de son, montage et mixage, Bastien Varigo et Olivier Dupré. Assistante à la réalisation, Clémence Bucher et Clémence Grosse. Réalisation, Christophe Hoquet. Dans un instant, la suite de la discussion sur l'Uchronie avec Éric Henriet et Jean-Pierre Pecaud. Crying for water, I wanna see the fish go belly up in the sea, and all those lemurs and all those tiny creatures, I wanna see them burn, it's only 4 degrees. I wanna bend down. Anony, Four Degrees, dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter. L'émission est réalisée par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre. Djoubaka a choisi la musique, à la technique, Alice Berger. Alors Jean-Pierre Pecaud, donc on vient d'entendre la fiction que vous avez écrite. Vous êtes bien amusé à l'écrire, cette histoire? Ah, c'était un premier exercice, effectivement, assez oui, dans le genre radio. Dans le genre radio, oui, tout à fait, dans le genre fiction. Vous êtes habitué à l'Uchronie, à en BD. Oui, mais c'est une écriture tout à fait différente d'un scénario de BD, en fait. Beaucoup plus ramassé et sans... Mais comme moi, j'adore écrire des dialogues, en fait, oui, non, je me suis effectivement beaucoup amusé, oui. On s'est bien amusé à l'entendre aussi, Lacan, Einsteidra... Oui, j'ai honte de quelquefois, oui. Non, faut m'excuser. Le voyage au bout de la nuit, enfin, les petites références. Éric Henriet, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale est un terreau propice à l'Uchronie? Oui, la Seconde Guerre mondiale, si on regarde un peu la production uchronique mondiale, c'est à peu près 20-25% des points de divergence. Bon, alors ceci dit, ça baisse ces dernières années parce qu'on s'en éloigne, mais je pense que y a une raison à ça. C'est pas uniquement la raison historique en tant que telle, c'est la proximité avec cet événement et le fait aussi. Que, y compris pour les ados et les enfants, l'imagerie du cinéma sur la Seconde Guerre mondiale, à tort ou à raison, hein, parce que là aussi il y a des uchronies involontaires écrites des fêtes au cinéma, permettent aux lecteurs de rentrer dans une histoire uchronique sur la Seconde Guerre mondiale assez facilement. Le contexte historique est à peu près connu. On sait qui sont les bons, qui sont les méchants. Si vous écrivez une uchronie sur la Saint-Barthélemy aujourd'hui, il vous faut déjà un public un petit peu éduqué, ou concerné. Faire un gros effort, ce qui n'est pas évident non plus sur des textes courts ou sur des objets uchroniques qui ne sont pas des romans proprement dit. Faire un effort d'introduction du point de divergence. Voilà. Il y a un thème qu'on a pu trouver dans certaines uchronies. Si Winston Churchill n'avait pas été élu Premier ministre en mai 40, l'Angleterre peut-être n'aurait pas résisté aussi fortement, donc elle était la seule à pouvoir résister en Europe. C'est tout l'intérêt de l'Uchronique qui pose effectivement un vieux problème de l'histoire, de savoir quelle est la part entre l'homme providentiel, là vous citez Winston Churchill, donc on pourrait prendre effectivement dans la fiction qu'on vient d'entendre, on raille Hitler de l'histoire, est-ce que finalement on raille la Seconde Guerre mondiale? En l'occurrence, Hitler c'est l'homme catastrophe, pas vraiment l'homme providentiel. Certes, mais je ne suis pas convaincu personnellement. Je pense que la vérité est quelque part entre les deux tendances extrêmes. C'est-à-dire d'un côté l'approche Carlyle, qui consiste à dire ce sont les hommes qui font l'histoire, et l'autre, on pourrait qualifier une approche un peu plus marxiste de l'histoire, qui consiste à dire quand on doit inventer le chemin de fer, on va l'inventer. Et peu importe que l'inventeur du chemin de fer soit né ou pas, un autre va le trouver. Vous voulez dire que l'histoire de Jean-Pierre Pecaud, le bel été de Mieux se cadre, se dire qu'il n'y a pas eu la Seconde Guerre mondiale parce que Hitler a été tué dans une tranchée de Verdun, c'est pas plausible. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Uchronie fait la part belle à ça. Pourquoi? Parce que la partie homme providentiel, rayer Hitler, c'est facile de trouver l'événement. Tandis que de dire personne n'invente le papyrus, c'est moins évident à expliquer, c'est moins romanesque. Voilà, donc ça va être moins exploitable. Mais c'est tout aussi intéressant d'un point de vue historique, en fait, de se poser la question de finalement, qu'est-ce qui fait l'histoire? Est-ce que ce sont des individus qui, tout d'un coup, ont une idée géniale ou une action néfaste ou positive? Ou est-ce que c'est une conjonction de plusieurs éléments qui fait que, d'une manière ou d'une autre, ce qui doit arriver va arriver, peu importe les gens? Et là, moi, je dis que l'approche uchronique donne souvent la part belle, effectivement, à la première partie, surtout dans l'aspect fictif, hein, parce que il y a des essais d'historiens qui ne sont pas des fictions, mais dans l'aspect romanesque, dans l'aspect BD, évidemment, on va plus facilement sur les hommes providentiels ou les événements. Mais c'est tout l'intérêt de la réflexion sur l'histoire, effectivement. En tout cas, il y a quand même quelque chose qu'on dit souvent, que le nazisme, le communisme aussi, donc les deux grandes barbaries du XXe siècle, sont nées pendant la guerre de 14. Donc là, si c'est peut-être pas la personne d'Hitler qui est en cause, mais en tout cas, la Seconde Guerre mondiale est quand même née de la Première Guerre mondiale, enfin, je pense. Ah, mais ça, j'en suis convaincu. Mais mais si, rayer Hitler de l'histoire, c'est, ça peut vouloir dire une seconde guerre mondiale différente, on est bien d'accord. Hein. Dans Ellender Morning, Jerry Hulsman imagine qu'une dame part dans les années... C'est quoi ça? C'est un roman? C'est un roman, oui. Il imagine qu'une dame part tuer Hitler, finalement, quand il est peintre pauvre. Et là, on a une société qui est tout à fait décrite sur 30 ou 40 ans, qui est une société de paix, dont la seconde guerre mondiale, on sent, elle va arriver, mais très tardivement. Je crois que si je voulais avoir une réflexion sur la négation d'Hitler de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est peut-être pas de savoir si à un moment donné il va y avoir ou pas une seconde guerre mondiale, puisque finalement on attendait toujours la prochaine dernière. C'est de savoir si Hitler est en soi le seul porteur à l'époque, suffisamment tribun, suffisamment orateur pour être porté au top du pouvoir et qui en plus est antisémite. Parce qu'on peut très bien imaginer une Allemagne revancharde, germanique, voire pan-germanique, annexant un certain nombre de voisins, mais pas forcément mettant en place la Shoah, par exemple, ou mettant en place un régime de ce type. J'ai toujours à dire, quand j'interviens sur les scolaires, notamment dans des zones dites compliquées, je termine souvent parce qu'en fait, on utilise souvent l'Uchronie, notamment dans des classes difficiles, pour démarrer sur un point de divergence actuel qui concerne les jeunes, et les amener, en jouant avec ça, finalement, à parler de la Seconde Guerre mondiale, à parler de sujets graves sur à peu près une heure ou une heure et demie, mais c'est un prétexte au moins à faire adhérer dans le cours. Et finalement, on peut s'amuser, alors je vais être provocateur, bien sûr, à dire que si Hitler n'avait pas été antisémite, finalement, il aurait gagné la guerre. Je caricature, mais ce que j'explique toujours où j'amène les jeunes à la fin, c'est que par son antisémitisme, il a fait fuir un certain nombre de physiciens juifs. Alors qu'on peut imaginer, hein, c'est un raccourci, les historiens m'en voudront, mais c'est volontairement fait pour éduquer, ouais, un peu la pensée, provoquer la pensée des jeunes. Mais on peut imaginer une Allemagne où toute chose étant égale par ailleurs, ça n'empêche pas les conquêtes et tout, finalement les physiciens n'ont pas fui, ils ont la bombe atomique avant tout le monde. Voilà, et donc après tout, ils atomisent Londres ou qui ils veulent, et puis ils obtiennent une guerre froide avec les États-Unis. Donc quelque part, on peut jouer avec l'histoire comme ça. Évidemment, ça reste un exercice intellectuel. On ne pourra pas prendre une machine pour aller vérifier dans d'autres dimensions. Il y a un événement que j'ignorais, que vous racontez dans votre livre, Éric Henriet, c'est qu'un historien anglais, Ian Kershaw, un grand historien, se demande ce qui se serait passé si Hitler était mort dans un accident de voiture qu'il a eu, paraît-il, en 1930. En 1933, juste avant, effectivement, son accession. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ian Kershaw fait deux énormes pavés, hein, sur la biographie d'Hitler, hein, de près de 2000 pages, si mémoire est bonne. Et ce point-là fait quelques lignes dans sa préface. Ah, mais ça ne vous a pas échappé. Non, ça ne m'a pas échappé parce que je connaissais Kershaw pour d'autres articles dans lesquels il flirte. Beaucoup d'historiens flirtent avec l'Uchronie à plusieurs reprises. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a presque envie de dire que dans ces deux lignes, à l'extrémité, Ian Kershaw aurait tendance à opposer ces deux lignes à ces 2000 pages. En disant, et après tout, si dans cet accident de voiture où il heurte un camion et où finalement il serait arrivé une seconde plus tôt ou plus tard, c'est pas l'avant de la voiture qui était endommagé, c'est peut-être Hitler lui-même. Et qu'est-ce qui se passait? Et après, il ne développe pas parce que, en bon historien qu'il est, il ne veut pas forcément s'engager, c'est pas son propos. Mais c'est intéressant, parce que ça ne lui a pas échappé à lui non plus. Jean-Pierre Pecaud, vous écrivez donc des scénarios de BD uchroniques. Vos dernières, entre autres, vos dernières, oui, BD, c'est souvent sur la Seconde Guerre mondiale aussi. Non. Enfin là, les dernières, oui, mais c'est vrai que la série Jour J, qui en est doit être à son 20e ou 25e tome, est une série spécifiquement uchronique. Effectivement, c'est paru aux éditions Delcourt, et chaque album explore un point de divergence, comme dirait Eric. Effectivement, c'est quoi un point de divergence? C'est le moment où l'histoire bascule dans une autre direction que celle qu'on connaît. Donc le dernier qui est sorti ou qui va sortir s'appelle La République des Esclaves et qui explore le point de divergence tout simple de Spartacus n'est pas vaincu par Rome. Donc que se passe-t-il à ce moment-là? Et la série Jour J donc explore tome par tome à chaque fois un point de divergence particulier. Bon, par ailleurs, j'ai une autre série qui s'appelle USA Uberales qui là est une série en trois tomes, en fait, qui est une série sur l'après-Seconde Guerre mondiale avec aussi un point de divergence sur effectivement que se serait-il passé si les Allemands avaient obtenu ce qu'ils ont cherché à faire d'ailleurs, une paix blanche avec les Alliés et que ce serait retourné contre les Soviétiques. Eh bien, tout cela, on peut le lire, Jean-Pierre Pecaud, donc, chez Delcourt. La dernière, donc, USA Uber Alas, c'est la série Jour J, une autre série, donc, uchronique, qui explore plusieurs périodes de l'histoire. Et vous, Éric Henriet, on peut lire votre livre L'Uchronie, qui est paru chez Klingsic. Et je rappelle que vous êtes président aussi du jury du prix de l'Uchronie, qui en est à sa 6e édition. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires avec intérêt, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Je vous invite aussi à réécouter l'émission de la semaine dernière, Gertrude Bell, archéologue, aventurière ou agent secret. La semaine prochaine, changement complet de décor et d'époque, l'histoire d'une jeune fille protestante convertie de force au catholicisme après la révocation de l'édit de Nantes à la fin du XVIIe siècle. Ça s'appelle Madeleine, huguenote et convertie, et c'est dimanche prochain. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.